France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio. Évidemment, en ouverture de la série Culture Science concernant notre bachotage bien particulier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous ouvrons la série, évidemment, de manière tout à fait expérimentale. C'est la troisième occurrence, d'ailleurs, avec les mathématiques. La reine des sciences, est-ce qu'on va dire ça? La terrible science mathématique, celle qui a ses amoureux, celle qui a ses terrorisés. En tout cas, on ouvre avec ceci et en compagnie de Isabelle Galinguer, qui va nous expliquer dans quelques instants sa spécialité propre, et François Sauvageau. Alors un petit coucou, puisque Isabelle Galinguer remplace, enfin c'est un grand mot, mais Étienne Gis, qui était notre complice avec François Sauvageau, est parti du côté du Brésil. Eh bien voilà, on respecte la parité et nous avons une mathématicienne avec nous. Mais évidemment, bachotage pour bachotage, nous n'allons pas rompre avec nos traditions. Donc, tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens l'anguille. L'anguille, oui, comme ça se déplace comme une anguille. Poisson admirable. Oh combien ! Petit rappel, donc, le cycle de vie de cet animal est le suivant. Né en haute mer, très exactement dans la mer des Sargasses, la larve parcourt des milliers de kilomètres pour rejoindre les rivières d'Europe ou d'Amérique du Nord, selon les espèces. Après plusieurs années en eau douce, jusqu'à 40 ans pour les anguilles européennes, l'animal repart vers son berceau natal pour pondre et aussi mourir. C'est comme un scénario de tragédie auquel manquait pourtant une ligne, et non des moindres. Jamais aucune anguille adulte n'avait été retrouvée dans la mer des Sargasses. D'ailleurs, très difficile aussi de voir le moment d'accouplement, il n'y a qu'un seul exemple, à des pressions absolument vertigineuses. Bref, une équipe de l'université Laval à Québec a mis pour la première fois en évidence la présence d'un individu à la limite nord de la zone. C'est bien sûr un événement. Pour ce résultat, les scientifiques ont eu recours à de nombreux équipements de dernier cri, des balises miniatures, quelques dizaines de grammes d'électronique accrochés au dos de 38 spécimens relâchés sur la côte canadienne. Pendant plusieurs semaines, la balise a enregistré régulièrement les paramètres du milieu environnant, température de l'eau, pression, donc profondeur, luminosité. Au bout d'une durée allant de 3 à 5 mois, l'enregistreur, dans son processus normal, se décroche, remonte à la surface et, alors, transmet ses données via les satellites Argos. N'en reste plus qu'à calculer. Élémentaire, pas tout à fait. D'abord parce que les balises ne résistent pas toujours à l'épreuve, 10 d'entre elles n'ont jamais transmis aucune information. Même réduite à 45 grammes, l'équipement ralentit quand même sensiblement le déplacement de notre poisson anguille. Ainsi, nombre d'animaux, surtout les plus légers, n'ont franchi que de faibles distances. L'analyse des températures enregistrées a conclu que l'une d'elles avait été dévorée, par exemple, par un thon rouge. Enfin, nombre d'autres se sont perdus. Bref, comme une hécatombe. Sauf que 4 spécimens ont accompli un périple de 1300 à 1700 km. Pour cela, ils ont gagné le large jusqu'à la fin du plateau continental, puis plongé vers le nord-ouest, sa bordure de ce plateau continental, jusqu'au niveau de l'embouchure du Saint-Laurent. Enfin, ils ont bifurqué vers le sud-est, continuaient encore pendant 400 km avant de relâcher leur précieuse balise. Manquaient encore plus de 1000 km pour atteindre leur lieu de naissance, les Sargasses donc. C'est que le dernier individu a pratiquement accompli l'exploit, en piquant lui au sud, franchissant le puissant Gulf Stream, pour s'arrêter à 150 km seulement de son but. Son périple donc, dans ce cas, 2400 km. et à fournir de précieuses informations. Pendant la première partie, l'animal suit un front de température et de salinité. Quand il a quitté le plateau continental, ses seules données sont insuffisantes. Le poisson alors semble posséder une carte magnétique à deux dimensions, ce qui lui donne de véritables capacités de navigation. Une super boussole, semblable à celle, entre autres, attribuée au saumon. Donc, la compréhension de cette migration progresse, mais d'une certaine manière pendant que le mystère s'épaissit. Comment le mécanisme fonctionne-t-il? Comment un animal qui n'a jamais fait le trajet acquiert-il ses connaissances? Atavisme, souvenir d'informations acquises, engrangées à l'état larvaire, apprentissage? Le mystère de la transhumance des anguilles n'est pas encore résolu. Bonjour Isabelle Gallagher. Bonjour. Bonjour François Sauvageau. Bonjour. Alors vous avez choisi un exercice pour cette fois, qui est donc du bac, qui s'est tenu le 24 novembre 1915 en Amérique du Sud. C'est une petite manière indirecte de faire coucou à Étienne Gis, non? Ou pas du tout? Un petit peu quand même. Bon, il va s'agir de probabilité, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors d'un mot d'abord pour que, évidemment, les auditeurs puissent vous situer. Vous êtes plutôt dans quelle mathématique, Isabelle Gallagher? Vous n'êtes pas dans les probas? Non, pas vraiment. Je suis dans l'analyse de ce qu'on appelle des équations aux dérivées partielles. C'est-à-dire, c'est l'analyse d'équations qui proviennent de la physique et auxquelles on veut donner un sens mathématique, pour faire court. Mais depuis peu, les probabilités sont un petit peu rentrées dans ma recherche par la fenêtre. Voilà, donc je m'y intéresse de plus en plus. François Sauvageau, vous avez fait de la recherche, vous continuez, vous enseignez avec une grande passion d'ailleurs. Tout à fait, j'ai toujours aimé à la fois la recherche et l'enseignement. Là, des fois, je fais même de la recherche et l'enseignement, voire même j'enseigne de la recherche, bref. oui, donc j'ai fait, mon parcours est plutôt orienté théorie des groupes en fait, mais j'ai fait pas mal de probas, et ce qui m'intéressait en termes de transmission, c'était la question de la transmission des probas, et en particulier des intuitions probabilistes ou des contre-intuitions. Alors juste pour citer, pas par cuistrerie, mais pour donner les grands ancêtres, dans ce cas-là, donc c'est le début de l'analyse, hein, on peut dire qu'on peut situer à partir du moment où vont se confronter avec de manière différente Newton et Leibniz, qui vont évidemment avoir un rôle considérable, pour arriver aux dérivés partiels qui sont évidemment l'un des grands mécanismes de la physique et qu'on cherche à élaborer. Théorie de groupe, bah, c'est un monsieur qui s'est battu en duel. Ah oui. Hein, et qui y est resté après beaucoup de souffrances d'ailleurs, et qui était, qui a combattu donc au champ de l'Alouette. Il s'agit évidemment d'Évariste Galois. Mmh. Bon, là, cette fois, c'est les probas. Les probabilités, alors, un des premiers en tout cas à s'en occuper, on fait vite sur ce premier point de petit rappel historique. Il s'agit bien évidemment de Blaise Pascal, la théorie des paris, avec sa correspondance avec Fermat, évidemment, un personnage dont Pascal pouvait dire que c'était une excellence de nature et non pas une excellence d'établissement devant lesquels on ne baisse pas son chapeau. Non, non, il était face à un vrai matheux. J'arrête là-dessus. Entre les différences de grandeur de nature et les différences de grandeur d'établissement. Pourquoi vous avez choisi les probabilités? Je peux peut-être commencer. Je crois qu'il y a deux raisons. Une, c'est une raison de mathématicien ou mathématicienne, qui est que les probabilités sont un domaine des mathématiques à part entière, comme la géométrie, l'algèbre, l'analyse. Mais ce n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est finalement assez nouveau. Les probabilités, comme vous l'avez dit, hein, ça date de même avant, mais Pascal et Fermat, bien sûr, Laplace, Condorcet, mais Bernoulli. Mais je crois qu'il a fallu attendre le début du XXe siècle. Enfin, il y a eu d'abord Laplace, puis après, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'il y ait vraiment une axiomatisation des probabilités avec Kolmogorov. Et encore là, les mathématiciens, la communauté mathématicienne n'était pas complètement convaincue, je crois, que les probabilités étaient une science mathématique à part entière. Jusqu'aux années peut-être 60. Hein. Et par exemple... Méprisées même. Voir, oui, oui. Les statistiques et les probas... Ostracisées même. On peut le voir sur, en particulier, le fils du grand romancier allemand dont le nom m'échappe, qui a écrit à Berlin Alexanderplatz. Passons, on a consacré une émission à ce jeune homme. Voilà, ça avait un petit côté louche. Les raisonnements avaient une allure mathématique, mais ce n'était pas complètement des mathématiques. Et donc maintenant, il n'y a aucun doute que les probabilités sont une discipline mathématique, à tel point qu'elles ont même percolé dans plein de domaines des mathématiques différents, que ce soit l'algèbre ou l'analyse et beaucoup d'autres. On voit des probas en théorie des nombres aussi. Donc voilà, donc c'est important pour moi de parler de probas en tant que discipline des mathématiques. Et d'autre part, c'est pas seulement ça, c'est aussi quelque chose qui doit être compris, je crois, par la société en général. Les probabilités sont nécessaires pour plein de raisons, et ce dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est un sujet de bac qui là-dessus est très très bien, très très clair, hein, sur la fiabilité, sur faire des tests, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que le résultat d'un test. Donc aussi bien pour des gens qui prennent des décisions que pour n'importe quel citoyen, comprendre les probabilités et les statistiques, on en parlera sûrement aussi, bien sûr. C'est vraiment très important. Autre commentaire en préambule, François Sauvageau, parce que ça engage évidemment, on va le voir, la décision. Bon, sans anticiper ce que vous allez expliquer à partir de l'exercice, ça engage la décision, ça engage donc quand on dit décision, responsabilité, on peut aussi parler des frais, on peut parler ou alors ça engage, surtout quand c'est lié donc pour la probabilité d'élection d'un candidat appuyé sur des statistiques, ça peut amener à des fantaisies, des stratégies totalement antidémocratiques, on peut dire, dans certains cas en tout cas, des pièges à gogo. Ah ben ça, c'est ce que disait Condorcet, Condorcet incitait les politiques à connaître des probabilités. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'un commentaire additionnel, c'est effectivement, comme l'a rappelé Isabelle, la question de l'omniprésence, quelque part, du raisonnement probabiliste dans plein d'endroits. Laplace disait même qu'en fait, toute connaissance humaine se résumait à des probabilités, ce qui est quand même un peu fort, mais bon, voilà. C'est... Donc, il y a ce côté-là, et surtout, ça n'a pas vraiment encore percolé, justement, jusqu'à disons... le citoyen lambda, et les intuitions qu'on peut avoir sur ces questions-là sont en général assez fragiles, voire même, en général, on fait vite des erreurs de raisonnement, même des mathématiciens professionnels, même des scientifiques professionnels, et je trouve ça intéressant de se dire que, bon, au moins, si les réformes n'ont pas été toujours pertinentes, au moins le fait qu'il y ait un certain nombre une partie de ce vocabulaire qui est en cours d'acquisition par beaucoup de gens, c'est un bon signe. Et j'aimerais juste rajouter qu'on va quand même essayer de montrer que ben, peut-être qu'on ne donne pas complètement les moyens d'aller jusqu'au bout de ces mécanismes de pensée, parce que de temps en temps on peut faire des confusions, et les confusions ça peut amener justement à des décisions qui sont en fait non fondées, plutôt qu'être bien fondées, elles se retrouvent en fait être plutôt en défaut par rapport à ce qu'on aimerait. Alors évidemment, on peut remarquer tout de suite, surtout quelqu'un tout à fait extérieur comme moi, comme nous sommes tous, nous qui ne sommes pas des spécialistes des mathématiques et des probabilités, c'est l'extraordinaire précision des concepts, hein, évidemment, et des définitions. On voit là la lente progression, bien sûr, à travers les techniques, à travers les descriptions, on verra ce que c'est qu'une variable indépendante, ainsi de suite, des chaînes de causalité qui d'un seul coup deviennent elles aussi indépendantes. Mais je veux souligner le fait que c'est très très précis, les probabilités. C'est il y a là une sorte de cohérence extrême dans cette discipline. C'est quelque chose que vous partagez? Oui, probablement. C'est l'univers, par exemple, des fortuités, quoi. Enfin, moi, je le dis mal, mais hein, on peut associer un univers pour... C'est l'ensemble des événements, par exemple, qui mm-hmm. sont passés. Événements tous qu'on peut considérer comme fortuits. Absolument. Et dont le symbole est oméga. Voilà. C'est ce que disait Isabelle tout à l'heure avec l'axiomatisation de Kolmogorov. Donc, c'est pas le seul à avoir axiomatisé, hein, mais disons que c'est celle qui est la plus répandue. Rényi avait fait ça en son temps quelques années plus tard, c'est un mathématicien hongrois, qui lui parle des probabilités conditionnelles. Je trouve que c'est un concept assez intéressant. C'est quelque chose qui est dur à enseigner, François Sauvageau, c'est quelque chose qui est... Ça va mieux, en fait. Moi, j'ai le sentiment que dans ma classe, bon, qui est Bac+2, hein, ça va mieux. J'ai l'impression que mes étudiants et mes étudiantes sont mieux préparés. Il reste encore beaucoup d'incompréhension. Et je pense que ça, c'est important de continuer à cet effort-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vendu des recettes, comme on verra pour le bac, qu'en fait, ça y est, tout est fait, tout est acquis. Dernière petite question, Isabelle Gallagher. Justement, vous partez de l'analyse, vous êtes une championne. Et quand vous lancez dans les probabilités, vous trouvez des difficultés particulières, singulières. Oui, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Oui. J'ai jamais enseigné les probabilités. Peut-être qu'il faudrait. J'arriverais mieux. Je comprendrais mieux si j'avais enseigné probablement. Donc je travaille avec un probabiliste entre autres qui doucement voilà essaie de faire rentrer des idées. Mais il faut une intuition particulière que je n'avais pas très clairement. Et je crois que je suis rentrée dans un nombre de panneaux très classiques sur les enfin des erreurs complètement classiques sur les probas. Je sais tout fait, je pense. Et j'ai fait encore. Donc mais voilà, je progresse. C'est rassurant, c'est possible. Élève Gallagher en progrès. Voilà, exactement. Au moment en du bac. Fort, que, nous, que nous proposons. Oui. Pourtant, dans les deux cas, est-ce qu'on peut considérer que c'est du continu par exemple, les courbes que vous travaillez en analyse, c'est du continu. Oui. C'est des probas continues, oui. Oui. Voilà. Et donc, ce n'est pas du discret, c'est pas de l'unité. Vous avez dit deux fois l'un et l'autre, en l'occurrence une fois chacun, percolation. Ouais. Hein, c'est un joli mot, ça veut dire que ça infuse doucement. Hein, c'est, dans, par ouais, c'est le parcours d'une goutte d'eau à l'intérieur d'un filtre à café. Hein, voilà, gros, exactement. Ou d'une goutte d'eau dans un calcaire de montagne et une lente percolation qui se poursuit. Les questions qu'on se pose là-dessus, c'est si on met trop de café, est-ce que l'eau va arriver jusqu'au bout? Et si on n'en met pas assez, est-ce qu'il y aura du café dans l'eau? France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorge. Alors, et bien maintenant, on va passer à l'acte, si je puis dire. Attention, bien évidemment, encore une fois expérimental, encore une fois, on est devant le handicap, évidemment, de ne pas pouvoir écrire, nous n'avons pas l'image, nous n'avons que le son, mais on voit tellement mieux un zèbre décrit par la voix qu'en regardant une photo, savoir s'il est zébré de noir sur fond blanc ou l'inverse. Voilà, alors, allons-y. Alors donc je vais lire l'énoncé. Alors c'est un énoncé qui du coup est un peu long puisqu'il y a beaucoup de mots, de mise en ambiance, et les questions sont des questions techniques sur lesquelles globalement il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce sujet. C'est vraiment tous les points habituels qui sont adressés de façon assez consciencieuse. Donc on va en parler petit à petit. Donc on a décidé que je lisais le premier. Donc c'est une agression en trois parties indépendantes. Qui teste de façon tout à fait indépendante effectivement les connaissances des candidats et des candidates. Et donc voilà, je vais commencer par la partie A. Il s'agit donc d'un sujet sur le chikungunya, donc on est en Amérique du Sud, donc c'est probablement cohérent. Histoire de... Bon, c'est un peu une mode hein, de vouloir typer les sujets de façon réaliste, mais là c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc le chikungunya est une maladie virale transmise d'un être humain à l'autre par les piqûres de moustiques femelles infectées. Un test a été mis au point pour le dépistage de ce virus. Le laboratoire fabriquant ce test fournit les caractéristiques suivantes. La probabilité qu'une personne atteinte par le virus ait un test positif est de 98%. Et avoir est un test positif. Quel est un test positif? C'est ça. Oui. La probabilité qu'une personne non atteinte par le virus ait un test positif est de 1%. Encore une fois, donc, AIT. Exactement. Voilà. Ça veut donc dire que, concrètement, ça veut dire que si on fait le test sur deux personnes, l'une atteinte et l'autre non, eh bien, avec une certitude d'à peu près 98%, si la personne est atteinte par le virus, le test dira qu'effectivement elle est atteinte par le virus. Mais que si on teste quelqu'un qui n'est pas atteint par le virus, il se peut quand même que la personne que l'on teste ait un test positif, c'est-à-dire qu'elle réponde positivement, et donc cela avec une probabilité 1%. Ça un faux positif. C'est ça. Un faux positif, tout à fait. En fait, c'est fait partie des choses. Donc, les tests en médecine sont faits pour économiser de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une analyse complète de la personne, mais juste faire un test, tenter de trouver un indice. Et cet indice n'est donc pas exclusif de la maladie. Et par conséquent, ça marche souvent, mais des fois positivement, des fois négatif. C'est un peu comme un test de grossesse. Hein. Ça marche globalement pas mal, mais on peut avoir des surprises. Donc on procède à un test de dépistage systématique dans une population cible. Un individu est choisi au hasard dans cette population. On appelle M l'événement « l'individu choisi est atteint du chikungunya ». Et T l'événement « le test de l'individu choisi est positif ». On notera M bar, respectivement T bar, l'événement contraire de l'événement M, respectivement T. Et on note petit p, avec p compris entre 0 et 1, la proportion de personnes atteintes par la maladie dans la population cible. Alors tout ce langage peut faire peur, hein, mais ce sont des phrases code, des phrases habituelles auxquelles sont rompus les candidats, bien entendu. Donc les questions sont donc de recopier et de compléter un arbre de probabilités, d'exprimer un certain nombre de probabilités qui sont demandées, donc la probabilité de M inter T, celle de M bar inter T, et puis celle de T en fonction de petit p. et ensuite de démontrer que la probabilité de M sachant T est donnée par une certaine fonction qui est donnée dans le texte, et enfin d'étudier les variations de F, afin de finalement, en étudiant les résultats de cette question, de savoir à partir de quelle proportion P de malades dans la population le test est fiable. Le fait de la fiabilité étant annoncée comme étant quand il y a plus de 95% de chances donc qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte par le chikungunya. Je ferai peut-être des petits commentaires sur la nécessité d'avoir des tests fiables. Mais donc, avant de passer à ça, on va donc résoudre ces questions. Oui. Allons-y. Alors, Isabelle. Alors, c'est parti. Donc, on commence déjà par, je rappelle un tout petit peu ce qu'on nous demande. Donc, la première question était de recopier et de compléter un arbre de probabilité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de probabilité? Alors, en gros, il faut imaginer que vous avez un point et de ce point, on va faire partir déjà deux branches. Comme un arbre. Une branche au bout de laquelle on va inscrire M. M, je vous rappelle que c'est l'événement, l'individu choisi est atteint du chikungunya. Donc M comme malade. Et sur l'autre branche, on va inscrire M bar, et ça, je vous rappelle que c'est le contraire. Donc individu pas malade. Donc on a le choix entre être malade ou pas malade, on ne peut pas être les deux à la fois. Et donc sur chacune des branches, on va inscrire la proportion, la probabilité d'être malade ou de ne pas être malade. Donc sur la branche qui va du point d'origine jusqu'à M, on va inscrire P. Et sur la branche qui va du point à M bar, on va écrire 1 moins P. D'accord ? Et ensuite, on continue. Donc à partir de M, on est malade, on fait partir à nouveau deux branches. Donc maintenant, cet arbre commence à avoir quelques branches. Une branche qui est au bout de laquelle on inscrit un T. T signifie le test est positif. D'accord ? Et sur la deuxième branche, donc on part du M, on a deux branches. Une qui s'arrête au T et l'autre qui va s'arrêter à un T bar. T bar, ça veut dire le test est négatif. Et là encore, sur chacune des branches, on va inscrire la probabilité de tomber soit sur T, soit sur T bar. Donc là, on lit le sujet. Le sujet nous dit qu'on a 98% d'être malade avec un test positif. C'est-à-dire que si le test est positif et qu'on est malade, on a un 0,98. D'accord ? Donc sur la branche MT, j'inscris 0,98. Et sur la branche MT bar, j'inscris 1 moins 0,98. Ce qui veut dire que sur la branche finale, on a un individu qui est malade avec un test positif, c'est la première branche, et sur la deuxième branche finale, on a un individu malade avec un test négatif. Et donc on peut comme ça lire la probabilité, par exemple, d'avoir un test positif en étant malade, en faisant le produit de 0,98 par P. Ah, évidemment, l'exercice sera sur le site internet, donc vous pouvez tout à fait écouter voilà, les explications d'Isabelle Gallagher et de François Sauvageau, en ayant le texte. Voilà comment nous allons être visibles. Voilà. Donc un arbre de probabilité. Après avoir été loquins. Il faut comprendre que c'est un objet sur lequel on peut lire toutes les configurations possibles pour un individu. Il peut être malade, test positif, malade, test négatif, pas malade, test positif, pas malade, test négatif. Et sur chacune des branches, on écrit la probabilité. D'accord ? Donc à la fin, vous avez un arbre avec deux branches, puis deux fois deux branches, et sur chacune, des probabilités. Et une fois que vous avez fait ça, vous arrivez à la seconde question qui vous est posé, qui est justement d'exprimer des probabilités, par exemple P de M inter T. Donc M inter T, ça veut dire je suis malade et mon test est positif. Donc c'est une probabilité conditionnelle. J'ai mon test positif sous la réserve qu'en plus je suis malade. Donc il y a deux conditions. Et donc pour trouver cette probabilité, on fait simplement le produit de la probabilité d'avoir un test positif, 0,98, par la probabilité d'être malade, qui est P. C'est ça. D'où donc un produit de probabilité. Exactement. Il faut bien le souligner, que évidemment les probabilités, on peut les additionner, on peut les multiplier, et que les opérations fondamentales peuvent y être appliquées. Quoi. Voilà, et ça montre que c'est de moins en moins probable. Une probabilité est toujours plus petite que 1, ou égale à 1, donc un produit de probabilité sera plus petit que la première probabilité ou la seconde. Voilà, donc après on nous demande de calculer la probabilité de M bar inter T, donc probabilité d'avoir un test positif tout en étant pas malade. Donc ça c'est le 1% de tout à l'heure, 0,01 fois 1 moins P. Donc tout ça on peut l'exprimer à partir de P, qu'on ne connaît pas. Et à la fin on nous demande d'exprimer la probabilité de T, tout court. Donc quelle est la probabilité d'avoir un test positif? Eh bien c'est facile, on sait ce que c'est que d'avoir un test positif et être malade, avoir un test positif et être pas malade. Et donc la probabilité d'avoir un test positif c'est la somme des deux. Donc là, on va sommer les deux probabilités. Et donc, si vous avez fait l'exercice pendant que je parlais, vous avez sûrement trouvé 0,097p plus 0,01. Voilà. Sinon, il faut recommencer. François, oui. Voilà. François, commentaire. Non, parce que enfin, bon, peut-être un petit commentaire sur la notion de probabilité conditionnelle, qui me semble important dans cette histoire, c'est que souvent on fait un certain nombre d'erreurs sur ces probabilités conditionnelles. Alors deux petites remarques comme ça. Souvent, dans les compagnies d'assurance, on vous fait payer un surcoût parce que vous êtes ceci ou cela. Et en fait, on va considérer la probabilité que vous soyez, je ne sais pas quoi, atteint d'une maladie cardiaque, sachant que vous avez un surpoids. Et on va regarder la différence, en fait, plutôt le rapport entre la probabilité que un accident cardiaque vous arrive, sachant ceci, et puis sans le savoir. Il va y avoir un rapport entre ces deux trucs-là, et en général, ça va être un facteur qui va multiplier votre facture d'assurance. Ben, sachez qu'en fait, si vous faites le rapport dans l'autre sens, c'est-à-dire de savoir si... C'est là le point important. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il y a une causalité, finalement, entre le surpoids et l'AVC, par exemple. Et ben, en fait, si vous faites le rapport dans l'autre sens, des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire la probabilité, cette fois-ci, qu'il y ait du surpoids, sachant que vous avez eu un AVC, et la probabilité d'avoir un AVC, et ben, le nombre est le même. C'est-à-dire que, en fait, à la fois le surpoids favorise l'AVC, c'est ce qu'on tend à penser, mais en fait le contraire est aussi vrai, c'est-à-dire que l'AVC favorise le surpoids. Ce qui prouve qu'en fait on n'a rien expliqué en faisant des petits calculs de probabilité. On est en boucle. Les probabilités conditionnelles ne donnent pas accès à une causalité, mais donnent des éléments visant à plutôt aller voir un peu d'un peu plus près s'il n'y aurait pas quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas les mathématiques ou le calcul qui vont faire ça, c'est la biologie, c'est par exemple dans le cas qui nous intéresse. Oui. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est souvent on fait des confusions sur ces probabilités conditionnelles. Un exemple assez célèbre dont j'aime bien parler, c'est l'affaire Sally Clark. Terrible affaire. Qui, en fait, consiste essentiellement... L'erreur qui a été commise à l'époque, c'est ce qu'on appelle le sophisme du procureur, qui consiste à confondre la probabilité d'innocence et la probabilité que quelque chose de grave vous arrive. Autrement dit, l'idée, c'est si ça vous est arrivé, c'est que probablement vous y êtes pour quelque chose, parce que c'est tellement improbable que votre probabilité d'innocence, c'est la même que celle que ça vous arrive par hasard. Il faut peut-être dire le cas, hein. Il faut dire. Alors, le cas qui nous intéresse, c'est couple d'avocats qui ont des enfants et les trois vont mourir avec donc la mort subite du nourrisson. Voilà, enfin, les deux premiers d'abord. Les deux premiers, oui. Et les choses vont jouer sur le troisième. Et donc, en fait, à ce moment-là, l'attaque est faite par. Procureur de la République, qui donc en Angleterre, qui consiste à dire c'est tellement improbable qu'en fait elle a assassiné ses enfants et donc elle va passer quelques années en prison et la Société Royale des Statistiques va se mobiliser pour essayer de la faire libérer et elle va y parvenir, mais pas du tout sur un argument scientifique, sur un argument de vice de forme. Et l'histoire se termine assez mal, puisque en fait elle finira par se suicider après avoir sombré dans l'alcoolisme, ce qui n'est pas trop étonnant après avoir perdu deux enfants et avoir passé 5 ans en prison. En tout cas, ce qui est important, le calcul clé qu'il faudrait faire pour savoir est-ce qu'on est innocent ou pas de quelque chose comme ça, il faudrait comparer deux événements très rares. Le premier événement très rare, c'est de perdre deux enfants. Ça, c'est assez rare. Mais un événement à peu près aussi rare, peut-être probablement même beaucoup plus rare, c'est une maman qui tue ses deux enfants. C'est rare aussi, et tant mieux. Et donc, la question, c'est lequel est le plus fréquent ? Et si on fait un calcul sur les données statistiques qu'on a sur ce genre de choses, on peut arriver en fait qu'en fait c'est à peu près comparable et c'est de l'ordre de deux tiers pour l'accident et un tiers pour l'infanticide. Avec des données très très empiriques. En tout cas, on est très très loin d'une certitude, bien sûr, qui était l'argument qui était avancé, hein, qui disait qu'en gros on avait une chance sur plusieurs centaines de mille qu'elle soit innocente, alors qu'en fait on est plutôt à 2 chances sur 3. Donc on est très loin de pouvoir avancer quoi que ce soit. Les probas ne disent rien, et donc faut évidemment aller beaucoup plus loin dans une enquête de justice pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et on doit rester dans le doute raisonnable dans la circonstance, bien évidemment, voilà. et lui donner sa faveur. Voilà. Alors ça se complique, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard d'ailleurs, à l'occurrence d'une autre émission, d'un autre rendez-vous de Continent Science, sur ce cas qui est évidemment tout à fait intéressant, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est un peu similaire, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu analogue, disons, avec le fait de pouvoir innocenter avec des tests ADN des gens, en particulier aux États-Unis. Je crois qu'il y en a maintenant plus de 1000 qui ont été innocentés pour montrer qu'ils n'avaient rien à voir dans cette affaire. Et que... Il y a des histoires sordides aux États-Unis sur les tests de laboratoires qu'on fait n'importe quoi. Oui. D'ailleurs, la suite du sujet parle de tests. Peut-être on peut avancer dans cette direction. Oui, absolument. En traitant les tests. Continuons donc. Donc là, on a calculé la probabilité d'avoir un test positif en fonction de P, qui était la proportion dont je vous rappelle, c'était quoi P ? Proportion de personnes atteintes de la maladie. Voilà, de personnes atteintes, tout simplement. Voilà. Ok, donc maintenant on nous demande quelle est la probabilité de M, être malade, sachant T, donc sachant les tests, que le test est positif, et de trouver une formule pour cette fonction. Donc en fait, ça c'est pas très difficile, on a déjà fait le travail avant, hein, puisque je vous rappelle qu'on a démontré tout à l'heure, c'est la, presque la définition, que la probabilité de M sachant T, c'est multiplié par la probabilité de T, c'était la probabilité de M inter T. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais oui. Du coup, ça nous fait une formule, une relation entre tous ces objets. Et donc, si vous calculez ça, vous trouvez que la probabilité de M sachant T, c'est une fonction qui a une fraction rationnelle en termes de P, que je vous donne, mais peu importe en fait, 98P divisé par 97P plus 1. Donc ça, c'est un calcul. Et on nous demande ensuite d'étudier la variation, variations de cette fonction f. Cette fonction-là, oui. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez rappeler au correcteur que vous êtes très fort en calcul de dérivée. Vous calculez la dérivée, vous trouvez qu'elle est positive, donc la fonction est croissante. Bon, par exemple, c'est une façon de faire. Ou bien vous montrez que c'est essentiellement 1 moins une fraction rationnelle en 1 sur p. Donc 1 sur p étant décroissant, 1 moins 1 sur p est croissant. Et donc la fonction est croissante. Donc comme vous avez plusieurs façons de répondre à cette question, c'est pas très difficile. Mais en tout cas, cette fonction est croissante en fonction de p. Hein, je vous rappelle que cette fonction, c'est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Donc c'est assez naturel que ce soit quelque chose de croissant. Et on termine cette partie avec un test de fiabilité. Donc ça, on va en parler un petit peu après. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'un test est fiable lorsque la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement atteinte de la maladie est supérieure à 0,95%. Pardon, 95%, 0,95%. Oui. D'accord ? Donc le test est fiable si, quand votre test est positif, en fait, effectivement, vous êtes malade. Et on va demander que cette probabilité soit plus grande que 95%. Donc question, à partir de quelle proportion de malades, P, dans la population, le test est-il fiable ? Donc on connaît cette fonction hein, de être malade sachant que le test est fiable, on l'a calculé. Donc il suffit de calculer P tel que F de P est plus petit que 0,95. D'accord ? Et vous faites ce calcul-là et vous trouvez approximativement 16,2%. Voilà. Donc, ce que vous trouvez, c'est que si P, la probabilité, est plus grande que ce 0,162, alors votre test est fiable. Je crois qu'on peut faire une petite pause musicale et respiratoire avant de passer aux commentaires et de venir sur la fiabilité. Voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science dans cette semaine totalement dévolue à la préparation du bac. Il s'agit pour nous ici des mathématiques, mais bien sûr il y aura la biologie, il y aura évidemment la physique, il y aura aussi les sciences de la Terre. Bref, on bachote, on continue à bachoter, toujours en compagnie pour les mathématiques aujourd'hui de Isabelle Gallagher et de François Sauvageau. Donc le dernier mot, fiabilité, c'est celui qu'on retenait. Oui. Donc fiabilité des tests. Alors c'est un petit paradoxe quand même quand on réfléchit. Le test est bon à partir du moment où il y a suffisamment de monde malade. Ça veut dire qu'une maladie rare, déjà on a du mal à l'attraper. Mais surtout, ça a un autre effet, c'est quand on ne connaît pas les choses, eh ben, on peut se retrouver avec des paradoxes. Cette fiabilité est importante puisqu'en fait, elle va donner des faux positifs. Des faux positifs, ça peut vouloir dire qu'on a gâché de l'argent, tout simplement, évidemment, mais ça peut aussi induire des choses dramatiques, conduire à des comportements, par exemple, à conduire à quelque chose d'intrusif, une chirurgie qui n'était pas demandée et qui va entraîner des maladies ou voire même le décès alors qu'il n'y avait rien derrière. On peut voir aussi, par exemple, le test qui dirait que l'enfant à venir est très trisomique. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ça peut être aussi un faux positif. Donc, il faut une confirmation affinée pour la myosynthèse en général, voilà, qui comporte un risque. Et là, on voit à l'heure actuelle, la fiabilité est assez faible de ces tests par rapport aux 98% du chikungunya qui est annoncé ici. Et surtout, la prévalence, c'est-à-dire la proportion de gens de trisomique 21 parmi la population est évidemment faible. Lors du pour 1000. Et donc ça, si on faisait les mêmes calculs avec les données pour la trisomie 21, avec les tests de trisomie 21, on serait alarmé par la fiabilité du test. Bon, qui pourtant est mise en place parce qu'on a, faute de mieux, pas grand-chose d'autre à proposer. Mais du coup, quand une famille est confrontée à cette question de savoir est-ce qu'elle fait confiance ou pas au test et si elle va conduire des tests complémentaires, des examens cliniques complémentaires, eh bien, elle est un peu démunie face à ces calculs. Et je crois que là-dessus, une bonne connaissance, au moins une compréhension minimale de ce que c'est qu'une probabilité peut aider. Oui. Alors, il y a une question, je vous la pose à tous les deux, le premier qui aura envie de répondre le fera. Évidemment, là... il y a une sorte de protocole, en épidémiologie, c'est ainsi qu'on fonctionne. Donc là, on prend une population cible. Et dans cette population cible, un individu est choisi au hasard. Est-ce qu'on augmente la fiabilité des probabilités si... parce que là, c'est presque de l'enregistrement statistique, c'est une enquête. On va avoir une population, là, ils sont, admettons, 1000. Si on en a 5000, est-ce que ça va augmenter la fiabilité du processus quand on a passé à la moulinette probabiliste ou pas? Est-ce que le volume joue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient? D'ailleurs, on peut élargir aux statistiques par rapport aux probabilités. Oui, alors ça joue un petit peu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit ridicule. Après, quand c'est très grand, ça n'apporte pas nécessairement grand-chose. C'est des choses qui convergent assez lentement, en fait. Disons que il y a la question fondamentale quand on fait de l'humain et pas juste de tirer au sort des boules dans une urne, c'est de savoir est-ce qu'on a pris les gens au hasard. Alors ça, par exemple, pour un sondage politique ou pour ce genre de choses, la question de la représentativité de l'échantillon, elle est cruciale. Et en fait, là, on peut pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'en général, on met suffisamment de monde et avec un certain nombre de critères pour s'en sortir. Mais voilà, il est pas clair qu'en augmentant les choses, ce soit favorable ou non. Un petit exemple d'ailleurs, si vous estimez par exemple qu'on va tirer à pile ou face un certain nombre de choses dans une grande population, il y a plus de chances qu'il se passe des choses bizarres que si vous prenez un petit nombre de gens qui vont décider, par exemple une décision de justice. On pourrait se demander, tiens, si je mets 4 jurés dans un tribunal, ou si j'en mets 10 000, est-ce que 10 000 c'est mieux que 4? Bah, probablement non, en fait. Donc c'est un peu ce genre de balancier qui existe. Bon, j'ai schématisé un peu rapidement là. Mais voilà, en fait, ça n'apporterait pas énormément. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel on peut dire quelque chose d'intelligent. Avant, il vaut mieux se taire. Et après, augmenter ne sert pas de façon vraiment significative. Alors si on reprend le jeu classique, puisque c'est les jetés de dés, par exemple, là, multiplier l'occurrence des événements, donc des jetés possibles. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle Gallagher, dans ce cas-là? Est-ce que ça va modifier les choses? La probabilité, au départ, elle est de 1 sur 2, si c'est un pile ou face avec une pièce, si elle n'est pas trafiquée. Et si on multiplie, et prenons maintenant l'exemple des dés, si on multiplie les occurrences de jetés, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ce que disait. Parce que là, oui, c'est ce que disait. C'est ce que disait François. C'est-à-dire qu'on sait que ça, tout va stabiliser avec à peu près autant de faces que de piles, si on attend assez longtemps, si on en jette assez. Mais c'est qu'en c'est assez lente, si je ne me trompe pas. Et du coup, qu'on jette 1000 fois ou 5000 fois, ou 10 000 fois, ça ne changera pas grand-chose sur l'équilibre des piles ou des faces. Ou des 1 et des 6, etc. Voilà. Donc, c'est exactement, je crois, ce que dit François. Donc, c'est pas la peine de multiplier, ou alors, il faut vraiment aller dans des ordres de grandeur vraiment différents. Il faut avoir un intérêt. Voilà. Oui, c'est ça. À aller plus loin. Donc, grosso modo, quand on a un échantillonnage et qu'on fait un test de médicament avec en double blind, en double aveugle, maintenant c'est vérifié, quoi. On sait à peu près quel est le nombre de personnes. Je peux d'ailleurs peut-être en profiter pour dire, faire un petit commentaire sur la partie B. On va pas complètement profiter. C'est exactement ce qui se passe. Là, on prend 1000 personnes et on essaie d'estimer la proportion donc de gens malades. Et donc, il y a deux jeux. Il y a un premier jeu qui est, on prétend qu'on la connaît et on regarde ce que ça donne. Et on regarde, on se demande, est-ce qu'on a observé le nombre de gens malades est cohérent avec l'hypothèse qu'on s'est faite de la proportion de gens malades. Et un deuxième jeu qui est, sachant qu'on a la proportion observée, est-ce qu'on peut estimer en fait la vraie proportion. C'est-à-dire que voilà, le test au départ nous a donné une certaine information. Voilà, on nous a dit que c'était 15% de gens qui étaient malades. C'est un institut de veille sanitaire qui dit ça. Et puis on observe sur un échantillon test 19%. Et on se demande, bon voilà, est-ce que 15-19, c'est presque pareil, pas trop pareil, à quel point c'est différent. Et donc c'est un jeu, et donc c'est un jeu auquel sont rompus les candidats, qui est en fait assez complexe, qui met en jeu des gros théorèmes de probabilité qui sont pas vraiment expliqués à cette époque-là, ce stade-là des études. Et donc en gros, dans un cas, on va faire ce qu'on appelle une fluctuation, c'est-à-dire on va dire on sait tout, c'est comme la pièce qu'on tire au sort, là par exemple c'est le D6 qu'on tire, et on va compter le nombre de 1 qu'on fait. Voilà, on compte ça, et on va se dire j'ai lancé 100 fois, je devrais à peu près avoir 100 divisé par 6, à peu près 16, je devrais avoir à peu près 16 1. Si j'en ai 18, est-ce que mon dé est pipé ou pas? C'est la question qu'on se pose. Donc là, c'est la mesure de fluctuation. Ça, c'est une mesure de fluctuation. Et donc là, l'exercice va amener au fait que, en fait, c'est quand même un peu bizarre parce que 19, c'est beaucoup par rapport à 15. 19% par rapport à 15%. On est en dehors du cadre de l'épure et probablement, ça veut dire qu'on a sous-estimé la proportion de gens malades. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, ça va être dans l'autre sens. Alors maintenant, on observe un jeté de dés et on se demande, tiens, est-ce que mon dé est pipé? Est-ce que je vais pouvoir valider l'hypothèse qu'en fait, oui, il est pipé parce que c'est trop important? Et je vais faire ce qu'on appelle cette fois-ci un intervalle de confiance. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que... Pas facile, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est en fait, il faut comprendre, un intervalle qui est par nature aléatoire. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose qui est une expérience aléatoire et ça fabrique un intervalle qui donc, du coup, résulte de l'expérience, donc qui est aléatoire. Et il va dire, en gros, si jamais j'observe mon intervalle et que je dis, le paramètre que j'essaie d'estimer est dans cet intervalle, si je dis ça, quel pourcentage de chance j'ai de me tromper? Alors, ça peut être un peu bizarre parce que, en fait, l'expérience, on l'a faite qu'une fois. Donc, comment on va pouvoir dire, je pourrais la faire 1000 fois? Donc, c'est vraiment le jeu des probas d'avoir une expérience de pensée qui dit, on pourrait, si on voulait, refaire l'expérience plusieurs fois, et on va imaginer que c'est possible, et en ce faisant, on va calculer des choses. Mais c'est vrai que ça peut toujours poser des problèmes. Surtout que, comme je dis tout à l'heure, cet intervalle, il est un peu, il ressemble à celui qu'on vient juste de calculer, mais en fait, il est de nature fondamentalement différente. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est difficile à appréhender en terminale. Même après. Et donc, l'intervalle qu'on va calculer, il va dire qu'en gros, le vrai paramètre, il est plutôt entre 17 et 22. Donc, c'est pas 15%, c'est probablement plus. Mais c'est compliqué à évaluer parce que, en fait, on ne sait rien ni de l'échantillon, ni du vrai paramètre. Donc, le théorème qui est derrière, c'est ce qu'on appelle le théorème central limite, qui est en gros un copain de ce qu'on appelle la loi des grands nombres, et qui étudie ce genre de phénomène. Donc, je jette beaucoup de fois quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Loi des grands nombres. Donc, ici, structurellement, l'intervalle qu'on va calculer est lié à c'est une question de phénomène limite, en fait. Et dans le premier calcul, souvent, on a l'impression que c'est le même intervalle. En fait, il a à peu près la même tête. Et en fait, on utilise aussi le théorème central limite et d'une façon très très déguisée. C'est parce qu'en fait, on connaît très mal les lois de binomiales, les lois qui consistent à faire des piles ou faces plusieurs fois avec une probabilité pas nécessairement égale à 1/2 d'ailleurs. Et on l'approxime à cause de ce théorème central limite par une loi normale. Donc c'est l'occurrence de la courbe en cloche dont on parle beaucoup. Mais c'est une approximation de cette loi et non pas du tout le phénomène qui met en jeu le théorème central limite. Et du coup, le résultat se ressemble, le théorème utilisé est le même, mais en fait, les deux notions sont très très différentes. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez subtil. Et je crois qu'il faut bien comprendre que dans un cas, on est, disons, plutôt dans les probables, l'autre dans, plutôt dans les stats. Et de voir aussi que bah, ces phénomènes, ils interviennent en fait dans la vie courante et dans la physique, dans, de façon omniprésente, en maths, sous des façons un peu déguisées. Et je crois que c'est important de voir que, voilà, on a des objets qui sont un peu universels, mais de nature assez différente, qu'il faut, pour les comprendre, bah, les regarder d'un peu plus près, quoi. Le calcul est en lui assez standardisé. Quand on l'a appris et qu'on a compris, évidemment, tous les distinguos et les nuances, car les concepts sont fins, là, voilà. Et plus nuancés. Alors là, bah, on s'adressait presque, pratiquement à une partie restreinte de nos auditeurs, hein, parce que qui nous a suivis, là, bon, il faudrait avoir effectivement le texte. Mais maintenant, on va généraliser, peut-être par d'autres questions, en tout cas, la question des probabilités tout à fait fascinante. On peut, et c'est quelque chose que je vous propose, que je vous jette, Isabelle Gallagher, parce que vous avez un petit exemple sous le coude. On peut dire que jusqu'ici, en physique par exemple, donc dans la compréhension du monde tel qu'il est réalisé, le monde des possibles qui sont réalisés, le triomphe de la mécanique classique, par exemple, la cinématique, les lois de Newton, c'était à chaque fois des considérations comme le déplacement d'une planète. On regardait des lois de causalité et la compréhension du déterminisme sous-jacent avec des objets singuliers et en termes de cause et d'effet. Et puis voilà qu'arrive, c'est ça l'introduction et après je vous laisse la parole, voilà qu'arrive la considération des grands nombres. Alors évidemment, c'est les gaz. Alors il y a une discipline qui vient d'ailleurs de la pratique, mais qui va être très très vite mathématisée. C'est la thermodynamique, un de ses grands champions, c'est Boltzmann, et qui va donc regarder quelles sont la possibilité de comprendre. Évidemment, on avait travaillé avant, c'est ce que c'est que la pression, on sait, mais évidemment, quand on a un récipient rempli d'atomes, de molécules, de gaz, ça devient là la considération de très grands nombres, de myriades. Oui, tout à fait, oui. Alors, justement, peut-être on peut en parler un tout petit peu de ça. En fait, bien avant Boltzmann, les gens sont intéressés à comprendre comment évolue de l'eau dans un verre. Hein, mais justement, on ne voyait pas ça du tout du point de vue de l'atome, forcément, puisque l'atome n'existait pas à cette époque dans l'esprit des gens. Et du coup, ils décrivaient l'écoulement, par exemple. Donc là, j'ai parlé de l'eau dans un verre, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel gaz ou quel liquide. Si on veut le décrire, ce que les gens faisaient, c'est décrire des quantités moyennes, hein, observables, calculables, mesurables. La vitesse, par exemple, de la Seine qu'on voit par la fenêtre. On se fiche pas mal de chacun des petits constituants de l'eau. On va regarder comment l'eau évolue d'un point de vue mesurable. C'est la même chose pour la viscosité, par exemple. Oui, donc c'est des quantités qu'on peut mesurer. Bien sûr. Et donc on écrit des équations. Elles sont connues depuis fort, fort longtemps. Les équations de l'air, par exemple, de la mécanique des fluides. Ce sont des équations qui ne regardent pas le niveau microscopique du fluide, mais un niveau macroscopique, ce qui est utile dans la pratique, bien entendu, et ce qui est encore utilisé aujourd'hui, hein, pour la prévision météo. Ce type d'équations ou des avatars sont encore utilisés. Donc c'est vraiment des choses qui servent pour la prévision, par exemple. Néanmoins, on peut aussi se souvenir qu'on a appris quand on était petit en chimie que l'eau s'est formée de molécules. Et on sait que les molécules bougent en permanence, même dans un verre d'eau qui a l'air au repos. Les molécules sont en agitation permanente. Et dans l'air aussi, là, autour de nous, c'est pareil. Et cette agitation, en première approximation, on peut dire que ces molécules ou ces atomes sont comme des boules de billard, hein, qui vont aller tout droit dans l'espace et de temps en temps se collisionner. Et tout ça, ça fait des effets thermodynamiques qu'on peut essayer d'expliciter. Donc la question qui peut se poser, c'est comment concilier ces deux aspects. Et justement, la physique statistique, elle essaie de comprendre comment cette énorme quantité de molécules, hein, si on parle par exemple du nombre d'Avogadro, c'est, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, en tout cas, c'est quelque chose comme ça, et c'est le nombre d'entités dans une mole, hein, si je me souviens bien de mes cours. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est le carbone 12, absolument. Voilà. j'ai bien révisé. Alors, 10 puissance 23, c'est quoi? C'est vous écrivez 1 et puis vous mettez 23 zéros après. Donc, c'est énorme, c'est gigantesque. Et ça, c'est juste ce qu'il y a dans une mole, c'est-à-dire pas grand-chose finalement de gaz ou de liquide. Donc, la physique statistique, ça consiste à dire, bon, on ne va pas regarder chacune de ces petites molécules ou ces petits atomes individuellement, on va regarder statistiquement ce qui se passe, c'est-à-dire faire des moyennes. Donc, la vitesse du fluide, ça va être la moyenne des vitesses de chacun de ces petits atomes. Quand on moyenne ça correctement, on va trouver la vitesse moyenne du fluide. Et voilà, donc ça explique l'importance de la statistique, et pas encore des probabilités, hein, mais des effets statistiques dans la physique de tous les jours. Hein. Alors maintenant, on peut avancer un petit peu, peut-être, oui, bien sûr. Et parler de causalité. On peut peut-être conclure en disant, à nouveau pour faire image, du point de vue macroscopique, que ça donne raison, par exemple, de la pression. Et en particulier de la pression donc sur le récipient, sur le bord. Voilà, par exemple. Tout à fait. Et là, c'est évidemment une moyenne de toutes ces collisions permanentes, qui d'ailleurs ont permis à Einstein, en observant le mouvement brownien, de dire, ça vient pas du tout, puisque même le botaniste qui a découvert ça, a regardé en changeant, en mettant même des petits morceaux de carbone, ça fonctionne. Alors qu'au départ c'était du pollen, et donc on s'est dit par en dessous, mais là on rentrera dans le microscopique, il y a certainement molécules et atomes, et là Boltzmann a gagné. Tout à fait, oui. Alors ça dit, il y avait plusieurs problèmes dans l'équation de Boltzmann, donc il a gagné là-dessus, mais les gens étaient aussi inquiets de d'autres phénomènes qui sont inhérents à la théorie de Boltzmann et qui ont l'air complètement contradictoires avec la mécanique classique. Qui sont l'apparence de l'apparition plutôt de la causalité, la flèche du temps, de l'irréversibilité. Donc pour ça, on peut faire une petite expérience de la pensée que je vous demande d'essayer de faire. Avec plaisir. Donc c'est parti. Donc vous prenez deux bocaux, un rempli de votre gaz préféré, d'accord. Donc vous mettez 10 puissance 23 molécules dans un des bocaux et ils sont tous les deux reliés par un petit tuyau. Et voilà, donc au tout départ, un des bocaux est vide, l'autre est plein. Et tout à coup, vous libérez le tuyau qui est entre les deux, donc vous ouvrez ce tuyau. Donc les molécules font ce qu'elles veulent, et en particulier, elles ont le droit de passer par ce tuyau et passer de l'autre côté. Voilà, donc vous imaginez ça, donc des tonnes et des tonnes de molécules qui se rentrent dedans, qui s'entrechoquent, et de temps en temps, qui passent de l'autre côté. Et si vous imaginez cette situation, je pense qu'assez raisonnablement, en un certain temps, vous pouvez essayer de calculer, mais moi je ne sais pas le calculer, mais en tout cas, en un certain temps, vous aurez à peu près autant de molécules de chaque côté. D'accord ? Et ça paraît assez raisonnable. Et puis maintenant, imaginez que vous passez le film à l'envers. D'accord ? Donc vous aviez vos deux bocaux qui étaient pleins à peu près de la même façon de chaque côté, et puis vous passez le film à l'envers, tout à coup, un des bocaux se vide complètement. Et ça paraît complètement irréaliste. On n'imagine pas qu'il n'y a aucune raison pour laquelle l'air d'une pièce va se vider et toutes les molécules vont partir dans une autre pièce. C'est juste irréaliste. Et n'empêche que d'un point de vue de la mécanique classique, c'est tout à fait possible. Parce que chacune des molécules a un mouvement d'une boule de billard. Et si vous filmez un billard, vous pouvez le filmer dans un sens ou dans l'autre et il n'y a aucune contradiction. C'est tout à fait réversible, voilà. Et il n'y a pas de contradiction. Exactement. Bien sûr. Donc du point de vue microscopique, tout est réversible, il n'y a pas de contradiction, mais d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire ce qu'on voit nous, ce qu'on perçoit, il est impossible qu'un bocal se vide. Donc ça a posé de gros problèmes philosophiques même, les gens ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue macroscopique, ce qu'on perçoit effectivement, c'est combien il y a de molécules de chaque côté, mais pas quelles molécules est de chaque côté. C'est-à-dire que les molécules sont toutes indiscernables. Et donc, si vous faites un petit calcul, pas difficile, vous pouvez voir qu'il y a essentiellement 2 puissance n, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc., jusqu'à n fois, possibilité d'organiser vos particules d'une façon ou d'une autre. Alors que pour qu'elles soient toutes d'un côté et aucune de l'autre, il y a une seule possibilité. Donc c'est quelque chose d'extrêmement peu probable. C'est 1 divisé par ce 2 puissance n. Alors qu'il y en ait moitié-moitié, c'est ce qu'il y a de plus probable. Et donc en fait, ce que Boltzmann a compris, et les gens après lui, c'est que ce qu'on perçoit de la nature, c'est juste ce qui peut arriver de manière la plus probable. Et il se peut, si vous attendez très longtemps, donc le calcul c'est qu'il faut attendre justement 10 puissance 23 à peu près, secondes ou je ne sais pas quoi, pour que le récipient se vide. C'est-à-dire que ça va arriver, il va se vider ce récipient, mais il va falloir attendre un nombre de secondes, l'univers sera déjà dans un état peu... connu. Sauf s'il y a un petit démon de Maxwell qui fait le tri et qui s'amuse avec, et encore... Le démon de Maxwell, en faisant le tri, le démon de Maxwell, c'est il va choisir quelle particule passe et laquelle ne passe pas, mais en faisant le tri, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute de l'information, les molécules ne font pas ce qu'elles veulent, et pour parler avec un vocabulaire connu des physiciens, c'est l'entropie qui augmente, l'entropie c'est la mesure du désordre, Maxwell, en rajoutant de l'information, il fait diminuer cette entropie quelque part. Alors là encore, on peut expliquer parce que généralement le popularisateur de science dit l'entropie. On peut prendre l'exemple d'une bibliothèque bien organisée, classée par nom d'auteur. Et puis au bout d'un certain temps, immanquablement, si cette flèche du temps fonctionne, eh bien on devrait trouver un tas de livres dans un désordre indescriptible. Donc il y a eu perte de l'information. Oui, c'est-à-dire qu'une bibliothèque vue de loin, c'est un tas de livres. Il y a plein de possibilités de mettre un tas de livres. Alors qu'une bibliothèque vue de près, c'est chaque livre dans l'ordre. Et là, il y a une seule possibilité de faire. Oui. Et c'est là. Vous avez nécessité des bibliothécaires pour ranger le livre. Alors, je vais rapidement prendre un exemple que j'ai déjà utilisé, donc ça va être bis repetita, mais il est assez pratique pour faire comprendre en fait les statistiques conditionnelles façon Baes, le révérend du même nom anglais qui les a trouvées, avec les ours des cavernes. Donc je recommence rapidement. Les ours des cavernes, donc c'est une espèce d'ours gigantesque qui a connu, donc qui a disparu. Un moment historique connu, qu'on peut dater. Et généralement, on dit dans le processus de causalité, donc de cause à effet, qu'est-ce qui explique la disparition de l'ours des cavernes? Et ben, c'est simplement que l'homme du paléolithique était fin chasseur, et tellement bon chasseur qu'il les a tous exterminés. Et puis, en regardant, alors cette fois avec des enquêtes, donc ça c'est évidemment le premier raisonnement que l'on donnait, cause, le chasseur, futé, effet, disparition des ours. Et puis on regarde et on s'aperçoit on s'aperçoit que en regardant le sol de ces cavernes, il y a des traces d'habitation. Or, jusqu'ici, on ne soupçonnait pas l'habitation par l'humain, de ces cavernes. Il faut savoir aussi que l'ours hiberne, il est soumis à une horloge circadienne bien précise, que quand on hiberne, on se réveille en même temps et qu'il peut y avoir des incidents du métabolisme. Or, avec une population bruyante, la population sapiens, tout le temps en train de se disputer, ils ont réveillé les ours souvent et en fait, ils sont possiblement... Alors, on dit dans ce cas-là qu'il y a eu un raisonnement bayésien, c'est-à-dire que d'un seul coup, on va inverser et on va mettre... Jusqu'ici, on n'était que dans des probabilités a priori. Et là, on va... mobiliser des événements a posteriori ou des facteurs ou des paramètres et on va faire avancer peut-être le Schmilblick dans la considération de la cause, donc du processus heuristique qui dit non, c'est pas les chasseurs, c'est parce qu'ils ont dansé labouré dans les cavernes. Alors c'est assez en fait proche de ce qu'on a fait tout à l'heure à la fin de la partie A sur l'histoire de test et de fiabilité. En fait, on a une hypothèse de départ que les matheux ont l'habitude d'appeler hypothèse nulle. C'est un peu tragique comme nom, je trouve quand même, mais enfin bon, bref. Qui est l'hypothèse de départ, en fait. Et oui. Puis, on va tester sa solidité en déduisant des choses à partir de cette hypothèse. On va calculer les probabilités d'un certain nombre de choses qu'on va observer en utilisant cette hypothèse. Et puis, on va avoir une hypothèse contraire, alors qu'elle n'est pas tout à fait son contraire. En général, c'est une autre hypothèse. Oui. Idéalement, c'est tout sauf la première hypothèse, mais en général, c'est quand même une hypothèse un peu plus ciblée, enfin, un peu plus mieux décrite. Donc là, ça peut être, par exemple, le fait que ce sont la fréquentation des cavernes par Homo sapiens qui a changé des choses. Et on va déduire des choses, et puis on va essayer de faire des équilibres entre, en gros, comme tout à l'heure, les faux positifs et puis les faux négatifs. Hein. En fait, on avait deux problèmes avec notre test, c'est le problème des faux positifs et le problème des faux négatifs. Quand on augmente le nombre de faux positifs, on diminue le nombre de faux négatifs et réciproquement. Et quelque part, il y a un moment où une hypothèse ou un test n'est plus souhaitable parce qu'il crée trop de problèmes. Là, dans le cadre des hypothèses, c'est plutôt, il y a une hypothèse qui n'est plus souhaitable et une hypothèse qui n'est pas soutenable en fait, et qu'on va devoir évacuer. Alors, dans le domaine industriel, c'est fréquent qu'on fasse ça. En gros, est-ce qu'il faut changer la machine parce qu'elle produit trop de machines qui ne vont pas bien? Alors, on ne va pas le faire toutes les 5 minutes, parce que si on le fait tout de suite, on va payer beaucoup de machines à chaque fois qu'il y a un petit incident. Et donc, se met en balance la question de est-ce qu'on garde cette hypothèse nulle, même si elle a quelques défauts, parce qu'elle a le raisonnement qui nous amène à des trucs un peu bizarres de temps en temps, ou est-ce que c'est quand même le mieux qu'on puisse faire? Et donc, on la garde. Et donc ici, là, apparemment, l'hypothèse Chasse-Géraud a été virée et remerciée pour ses bons et loyaux services pour une hypothèse qui était meilleure et qui expliquait plus de choses avec une plus grande probabilité. Alors juste pour finir, et je vous demanderai pratiquement de répondre par vous en vous laissant la parole, Isabelle Gallagher. En tout cas, avec le calcul des probabilités, c'est un outil heuristique qui permet, dans un fouillis de causes qu'on ne comprend pas, d'en découvrir de particulières. Et mieux identifier. Hein? Ça peut, oui. Ça peut. Donc c'est un probablement. Oui, mais j'en suis sûr. Et donc c'est un bel exemple de l'heuristique possible de trouver les choses cachées avec les probabilités. Voilà. Ce numéro de Continent Science est terminé. Dans cette semaine de préparation du bac, merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours, toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, Bruno Garnière-Fontanine, pour la documentation Thierry Beauchamp, et à la réalisation Laetitia Coya. Stéphane Deligeorge, Continent Science, comme vous le savez, balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr. Demain, à la même heure, bien sûr, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Je vous dis là et souhaitez un très bel après-midi.